Leçon 5. Activités 2 et 3. Page 102. Piste 79. Une jupe rouge avec des bottes noires comme ça. Pour moi, c'est un peu ridicule. Ah non ? Hugo, je ne suis pas d'accord avec toi. C'est très élégant et original. Au contraire. Moi, je suis d'accord avec Alice. C'est vraiment magnifique.